Entendre notre émission et même, je le redis, la voir en podcast. J'espère que c'est bien en route car certains auditeurs nous disent qu'ils ne la trouvent pas toujours. En tout cas, on s'en est occupé, on vous le promet. Et merci aussi à notre équipe de réalisation, Daniel Finot, assisté de Jean Frédérix et à Martine Auger pour les archives de l'INA. À lundi prochain. Bonsoir à tous. Merci Dominique Rousset. Rendez-vous donc le 8 mai prochain à 19h30. Sans plus tarder, Dominique Briffaut, Alexandre Dang et Marc Berfloriot vous souhaitent une excellente journée à l'écoute de France Culture. Il va être 6h. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Écoutez. Avec la même grâce. Vous êtes sur France Culture. La radio. France Culture. Le feu teinte dans les cloches. Vous écoutez. Et la parole. France Culture. La radio. La clé des nuits, les airs enchaînés au cœur des vous écoutez France Culture. Vous écoutez France Culture. Vivez avec France Culture. Du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Pierre Rosanvallon continue ce matin d'explorer avec nous les réponses citoyennes aux crises traversées par la démocratie et à faire, en quelque sorte, le point sur l'actualité de ces réponses. Où en sommes-nous ? L'avancée de la démocratie en Europe n'a-t-elle pas eu pour effet d'endormir les citoyens ? Notre époque n'est-elle pas celle d'une régression de la souveraineté critique ? La démocratie n'est-elle pas condamnée à ne plus avoir d'histoire autre que l'immédiateté des intérêts et des volontés multiples ? Quelles sont les réponses anciennes réutilisables ? Quelles sont les nouvelles formes qui adviennent et quelles sont leurs limites ? Telles sont les questions activées par Pierre Rosanvallon, titulaire de la chaire d'histoire moderne et contemporaine du politique au Collège de France et dont le cours porte cette année sur la démocratie du XXIe siècle, les voies nouvelles de la souveraineté du peuple. Ce matin, le cours s'attache à analyser les pouvoirs d'empêchement, de droit à la résistance et les figures des résistances au pouvoir qui se sont mises en place après la Révolution française, au cœur du XIXe et du XXe siècle. L'architecture institutionnelle des régimes représentatifs, on le sait, elle s'est partout organisée dans la première moitié du XIXe siècle autour de la préoccupation libérale d'organiser des pouvoirs limités. Mais il faut souligner que l'essentiel des revendications démocratiques ne s'est pas alors situé sur ce terrain de l'ingénierie constitutionnelle. La grande question est en effet celle de la conquête du suffrage universel au XIXe siècle. La conquête du suffrage universel s'est imposée pendant ce siècle avec évidence comme le combat prioritaire qui constituait l'axe structurant de l'histoire de la démocratie selon une chronologie qui a bien sûr varié selon les différents pays. La France, pourrait-on dire, est entrée d'un coup dans le suffrage universel, masculin en tout cas, en 1848, quand l'Angleterre, on le sait, n'y est entrée que très progressivement à travers la succession des trois réformes Bill de 1832, de 1867 et de 1884. 19e siècle, qui n'achève d'ailleurs pas la conquête du suffrage universel en Angleterre, puisque formellement et juridiquement, elle est simplement accomplie en 1945. On attendait au XIXe siècle tout de la réalisation du suffrage universel. Qu'il réalise une société dans laquelle chacun ait sa place, qu'il mette fin à la corruption, qu'il fasse naturellement triompher le sens de l'intérêt général. L'idée dominante était que le règne du nombre allait de lui-même faire avenir non seulement un régime démocratique, mais une société démocratique. Et les mots avec lesquels, au printemps 1848, le bulletin de la République salue dans la France d'avril l'avènement du vote pour tous, résument bien cet état d'esprit. À dater de cette loi, lit-on dans ce bulletin de la République, il n'y a plus de prolétaires en France. Et le Drurolin de commenter enthousiaste, la science politique est trouvée maintenant, elle sera désormais d'une application grande et simple. Ces attentes candides, bien sûr, n'ont pas été satisfaites. D'où la centralité de la question sociale dans la formation des représentations proprement politiques à partir de cette époque. Parce qu'ils s'estiment rester au dehors, c'est une formule célèbre de Blanqui, le monde ouvrier se manifestera dès lors comme une puissance sociale cherchant à affirmer sa dignité dans la revendication positive de sa distance, une certaine aspiration au séparatisme pouvant seule à ses yeux le constituer collectivement en sujet politique. Les figures du rebelle, du résistant et du dissident domineront parallèlement les esprits pour dessiner de leur côté les contours d'une force morale critique dans le monde de la mal-démocratie libérale. C'est de la sorte, au XIXe siècle, composer l'horizon pratique d'une sorte de souveraineté critique. C'est sur le mode d'une telle extériorité sociale et morale que s'exprimera à partir du XIXe siècle le dualisme que certains, pendant la Révolution, avaient cherché à institutionnaliser politiquement au cœur même du processus démocratique. C'était naturellement loin d'être la même chose, mais la dynamique d'une critique n'en structurait pas moins sur ce mode la société pour la mouvoir positivement et la faire s'interroger en permanence sur elle-même, la mettre à l'école contestataire d'elle-même. Considérons donc les trois manifestations de cette souveraineté critique. Cette souveraineté critique, elle s'est manifestée comme un fait social avec la lutte des classes. Cette souveraineté critique, elle s'est manifestée comme un fait constitutionnel et politique avec l'organisation progressive du rôle de l'opinion. Cette souveraineté critique, elle s'est enfin manifestée comme une force morale avec la montée en puissance sociale des figures du résistant, du rebelle et du dissident. Commençons par le fait de la lutte des classes comme équivalent d'une politique négative. Si les ouvriers ont voté en France à partir de 1848, ils n'en ont pas moins eu le sentiment de rester en marge. D'abord, parce qu'ils ne se sentaient pas représentés par les élites républicaines, d'où le long combat pour trouver la voie d'une représentation spécifique de l'identité ouvrière. Mais aussi, bien sûr, parce qu'ils étaient exclus de la prospérité économique. Le terme de prolétaire, au XIXe siècle, je le rappelle, est d'ailleurs indissociablement employé dans un sens social et politique. Dans ses premières occurrences, il renvoie, qui date de la Révolution française d'ailleurs, il renvoie explicitement à ce qu'était à Rome la dernière classe majorité des citoyens, les prolès. Le fait du conflit de classe est ainsi perçu comme une question radicale qui est posée à la démocratie elle-même. C'est donc spontanément ce vocabulaire archaïque qui va parler d'ilotes, de prolétaires ou de plèbes qu'utiliseront nombre d'auteurs de l'époque pour qualifier le type d'antagonisme social structurant le nouveau monde du capitalisme. Ce sont en conséquence aussi les visions antérieures du droit de résistance que se réapproprieront les ouvriers de l'époque pour exprimer leur rapport à l'ordre établi. S'ils aspirent eux aussi à voir se lever dans leur rang des tribuns, c'est cependant essentiellement en matière économique et sociale qu'ils veulent, eux, pouvoir exprimer leurs réserves de défiance, en revendiquant, au premier chef, le droit de se coaliser et de s'opposer pour résister à leur exploitation. Leur vision de la souveraineté critique va être cette vision d'une possibilité de s'organiser dans la coalition. C'est ainsi, sur le mode d'une forme de séparation sociale, que les ouvriers vont d'abord imaginer l'exercice vraiment efficace de la souveraineté. D'où progressivement au XIXe siècle, dans le XIXe siècle du suffrage universel en tout cas, la double importance de la grève. À la fois moyen de construire un rapport de force et forme d'expression. J'emploierai volontiers l'expression de Marcel Mauss en disant que la grève est alors comprise comme un fait politique et social total. C'est avec la grève que les ouvriers ont conquis au XIXe siècle le seul pouvoir qu'ils pouvaient effectivement exercer, le pouvoir d'empêchement. Jaurès souligne un mot extraordinaire de Mirabeau en disant, en rappelant un jour à la Chambre, « N'irritez pas ce peuple qui produit tout, ce peuple qui pourrait être formidable n'a qu'à être immobile. » Ce peuple qui pourrait être formidable n'a qu'à être immobile, voilà bien la version de cette vision du pouvoir d'empêchement. Et le mouvement ouvrier naissant, on le sait, va célébrer volontiers la sécession de la plèbe romaine. Il se référera aussi fréquemment à la pratique des compagnons du Moyen-Âge qui consiste à mettre une ville en interdit. Pour se faire entendre, on met une ville en interdit, on se retire de cette ville, on se retire de cet espace de production. On parle ainsi encore au XIXe siècle de damner une ville ou de faire bloc pour placer un établissement sous une espèce d'interdit. La force ouvrière se manifeste dans ces cas en décrétant un interdit social. C'est une dimension qui était particulièrement bien perçue par le grand historien des pratiques ouvrière de la fin du XIXe siècle, Maxime Leroy, dans son livre « La coutume sociale ». Si les chartistes anglais, de leur côté, vont placer assez rapidement leurs espoirs dans la conquête du suffrage universel, parce qu'elle ne sera que graduelle outre-Manche, les ouvriers français, eux, vont connaître de façon plus précoce la déception et vont donc se lancer plus volontiers dans la perspective d'une telle politique négative. Un même fil se déroule là de Proudhon, le grand champion de la séparation ouvrière, au syndicalisme révolutionnaire, pour célébrer, dans les deux traditions, la puissance irrécupérable de la dissidence sociale. C'est l'idée de grève générale qui va mêler, à la fin du XIXe siècle, l'aspiration révolutionnaire à la fois dans les vertus actives d'une suspension universelle et simultanée de la force productive, c'est un mot célèbre de Fernand Pelloutier, et va se lier en elle la force morale du refus de mener une existence jugée indigne et la constitution d'une véritable souveraineté critique. C'était bien au XIXe siècle la façon de redonner consistance sur un mode proprement social, là, au vieux droit de résistance. Pour les défenseurs de cette vision, il s'agissait de faire autrement de la politique, d'activer une énergie sociale profondément différente de celle des simples batailles électorales. Le mouvement allait en effet bien au-delà d'une simple suspension du travail. Il y avait le sentiment que c'était sur ce mode que pouvait s'exprimer le plus efficacement la souveraineté ouvrière. Les grandes figures du syndicalisme révolutionnaire, Pouget, Sorel, Pelloutier, Griffuel, s'en sont fait les théoriciens. Mais c'est peut-être un des esprits les plus curieux du XIXe siècle, un grand curieux, un grand touche-à-tout, qui a le mieux exprimé ce type d'ambition, lorsqu'il a plaidé de façon très pionnière pour le lancement d'une grève générale en réaction au coup d'État du 2 décembre 1851. La première occurrence du terme grève générale en France date en effet de ces moments de discussion où un certain nombre de personnes se sont interrogées sur les conditions dans lesquelles on pouvait réagir au coup d'État du 2 décembre de Louis-Napoléon. Et voilà ce qu'a dit alors Émile de Girardin. La grève universelle, il faut pratiquer l'isolement, la solitude, le vide autour de cet homme. Que la nation se retire de lui, rien qu'en croisant les bras autour de lui, on le fera tomber. Magnifique expression, justement, de ce pouvoir d'empêchement dans la séparation. Le socialisme parlementaire, c'est très intéressant de le souligner, va combattre cette vision. Jaurès va ainsi explicitement souligner que le but du socialisme, c'est de transformer ce qu'il appelle la formidable puissance négative du prolétariat en une puissance positive. On retrouve donc dans la langue de Jaurès cette opposition entre puissance positive et puissance négative. Mais justement, la puissance négative, elle appartient pour lui à la préhistoire de la démocratie. Elle renvoie aussi à ces moments dans lesquels le droit de résistance était invoqué, parce qu'il n'y avait pas encore la possibilité d'aller aux urnes. Ne soyez donc pas une puissance négative, devenez la grande puissance positive électorale. Voilà ce qui fait bouger les choses, disait Jaurès aux syndicalistes révolutionnaires. Et Jules Guesde mènera lui aussi le combat contre cette vision de la grève générale. Et il opposera ce qu'il appellera la barricade des fainéants à la reprise du pouvoir politique par le prolétariat organisé. Voilà un langage des années 1890. Et le spectre du blanquisme, ainsi que des désillusions produites par l'ancienne culture barricadière qu'il véhiculait, a beaucoup compté pour disqualifier cette perspective du pouvoir du vide qu'impliquait l'idée de grève générale. Et avec son rejet, assimilée qu'elle était à une simple variante des vieilles pratiques institutionnelles, c'est pourtant aussi un aveuglement qui se répétait. Même si elle était de cette façon réinscrite dans le cadre de la politique électorale, la lutte des classes en a pas moins survécu dans tous les pays industriels comme un fait social. A subsisté de la sorte au quotidien l'exercice d'une opposition, une façon d'exister dans le conflit, le sentiment aussi de disposer de ressources propres d'action. Deux formes de légitimité se sont de la sorte longtemps superposées dans les démocraties industrielles. La légitimité politique du gouvernement issu des urnes, évidemment, mais aussi de l'autre, la légitimité proprement sociale, reconnue aux représentants du monde du travail. Légitimité qui limitait effectivement la première et qui était pratiquement, dans la législation même, reconnue comme telle. Le rôle institutionnel spécifique reconnu aux syndicats, qui était exorbitant du droit commun de l'époque, au XIXe siècle et toujours aujourd'hui, continue d'en témoigner. Que la légitimité politique n'épuise pas la légitimité sociale. Cette idée fondamentale a sous-tendu la vie de toutes les démocraties industrielles. La lutte des classes a bien été pour cela un élément structurel de la vie des démocraties. Dans la violence même qu'elle a pu parfois exprimer, elle était en effet question radicale qui était posée à la société et interpellation sur ses fondements. Elle empêchait de la sorte les gouvernements représentatifs de se penser accomplis sous les seules espèces des institutions libérales. Le conflit des deux légitimités, politique et sociale, a ainsi sous-tendu en permanence, pour l'activer et l'inquiéter, pourrait-on dire, la vie de ces sociétés. La deuxième manifestation de la souveraineté critique, c'est l'organisation de l'opposition. L'organisation d'une opposition politique et parlementaire structurée a constitué une autre modalité historique essentielle d'exercice d'un pouvoir d'empêchement. La fonction proprement démocratique de l'opposition politique et parlementaire n'a pourtant, à vrai dire, émergé que très lentement. Pendant longtemps, la reconnaissance de l'opposition si en effet surtout inscrite dans une perspective libérale. Elle a d'abord été tout simplement appréhendée comme l'une des composantes de la liberté d'expression. De Benjamin Constant à Robert Dahl, le grand théoricien politique de la démocratie qui a publié un livre majeur dans les années 60 sur le rôle de l'opposition dans la démocratie contemporaine, l'opposition a été de façon continue comprise comme une manifestation organisée du pluralisme. C'est une expression de Robert Dahl. Dans la même direction, l'opposition a été associée au principe du respect de la protection des minorités, ayant pour rôle de représenter les minorités, de défendre leurs intérêts, en prévenant le risque classique de tyrannie de la majorité. Troisième modalité libérale de considération d'opinion du rôle de l'opposition, c'est de la regarder comme l'un des moyens les plus efficaces pour limiter le pouvoir, et que de cette façon, l'opposition prolonge et canalise la contre-force diffuse que constitue l'opinion publique. Benjamin Constant a sur ce point été un des premiers à théoriser l'efficacité libérale supérieure de l'action d'une opposition par rapport au mécanisme de la séparation des pouvoirs. Seule la concurrence entre les deux forces de la majorité et de l'opposition permet en effet, souligne Benjamin Constant, de limiter efficacement l'emprise de l'autorité sociale. Tous les pouvoirs peuvent être confisqués, mais l'opposition, elle, ne peut pas vraiment être confisquée. Ces différentes approches du rôle de l'opposition, elles ont en commun de ne pas l'envisager positivement et la considérer seulement comme un instrument d'action et d'intervention qui correspond à une forme de partage de l'exercice du pouvoir démocratique. Le premier à rompre avec cette vision de l'opposition, c'est Guizot. Il n'est pas, bien sûr, chez lui, question d'inclure cette opposition dans une économie générale de la souveraineté populaire. Mais il innove en soulignant que l'opposition remplit une fonction qui est pleinement politique dans sa négativité. Dans son grand ouvrage « Des moyens de gouvernement et d'opposition » de 1821, il montre ainsi, de façon très novatrice, qu'elle est un élément constituant du gouvernement et qu'elle contribue, cette opposition, indirectement à l'action du gouvernement. En effet, dit-il, l'opposition, elle a pour but de remplacer le gouvernement en place. Et pour cela, elle le met constamment à l'épreuve. Elle oblige le gouvernement à s'expliquer, à prouver son efficacité, à justifier ses choix. Elle introduit de cette façon une contrainte d'argumentation en même temps qu'elle contribue à sa rationalisation. L'opposition, résume Guizot, maintient en le redressant le pouvoir même qu'elle combat. L'opposition maintient en le redressant le pouvoir même qu'elle combat. L'opposition n'est donc efficace que si elle ne se cantonne pas à dénoncer platement l'action du pouvoir en place. Mais si le caractère argumenté de sa critique lui permet d'exercer un véritable pouvoir en contraignant forcément la majorité, cela l'oblige, en effet, en retour. L'opposition doit à son tour convaincre qu'elle a raison contre le gouvernement et elle doit convaincre qu'elle sera capable de mieux diriger le pays. Comme le ministère, dit Guizot, l'opposition est tenue d'avoir un système et un avenir. Elle ne gouverne point, mais le gouvernement est son but nécessaire, car si elle triomphe, il faudra bien qu'elle gouverne à son tour. Le pouvoir d'empêchement de l'opposition a ainsi, dans ce cadre, une fonction politique effective et pas seulement restrictive ou limitative. Cette approche constructive de l'opposition, dessinée par Guizot, n'a cependant guère inspiré la pratique française, on le sait. Le monisme hexagonal a en effet résisté à la perspective dualiste qu'elle sous-entendait. On se souvient, encore au début des années 80, de ce ministre disant « Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement majoritaire ». Cette conception était évidemment exactement celle que visait à combattre cette définition de l'opposition. Et le vieil antipluralisme jacobin, entraîné sur ce terrain, le même type de conséquences que dans l'approche des diverses autres manifestations du pluralisme. La réticence à reconnaître le rôle des partis politiques, le refus de considérer la nation en ses diverses composantes et la suspicion envers la notion même d'opposition participent en France d'une même appréhension des différences et des conflits comme constituant des menaces vitales pour le corps politique. En Angleterre, un John Stuart Mill a repris à Guizot nombre de ses arguments pour considérer positivement le rôle de l'opposition. La critique est bien aussi pour lui une des conditions de l'efficacité gouvernementale. Et il conçoit également que le gouvernement et l'opposition font ensemble système de façon dynamique. Mais la différence entre Guizot et Stuart Mill, c'est que cette perception et cette analyse de Stuart Mill a effectivement correspondu dans son cas à l'expérience britannique. On voit ainsi dans l'Angleterre du XIXe siècle se développer progressivement des pratiques qui conduiront à une institutionnalisation du rôle de l'opposition parlementaire. À l'aube du XXe siècle, Lord Balfour théorise ainsi l'idée qu'il y a des rôles partagés entre minorité et majorité parlementaire. Donc, l'opposition n'est pas simplement une liberté, l'opposition est un rôle. Et le premier exemple de cabinet fantôme, le shadow cabinet, peut-être que le terme français qui serait le plus approprié pour traduire le terme de shadow cabinet, c'est celui qui avait été employé dans l'expérience française des années 1970 par la gauche, qui parlait de contre-gouvernement. Plutôt que cabinet fantôme, je crois que c'est la traduction contre-gouvernement qui rendrait mieux le sens de l'institution britannique. Le premier exemple de shadow cabinet, il fait son apparition en 1923, juste après la défaite travailliste. Et la formule, elle est définitivement adoptée et précisément codifiée en 1955. C'est véritablement à partir de cette date, de 1955, que l'on peut dire qu'il y a un statut de l'opposition en Grande-Bretagne. Si l'opposition reconnaît la légitimité du gouvernement, ce gouvernement doit en retour reconnaître l'opposition et lui donner les moyens nécessaires pour fonctionner pleinement. Il y a ainsi tout un ensemble de droits et de pratiques qui ont été consacrés en Grande-Bretagne. La consultation régulière par les chefs de file, les whips, de la majorité de leurs correspondants dans l'opposition. La désignation de journées de l'opposition, les opposition days, pendant lesquelles c'est l'opposition qui détermine les thèmes de la discussion parlementaire. Le fait aussi que soient systématiquement organisées des présidences de commissions de contrôle financier et juridique pour l'opposition. Le fait encore que l'opposition ait de droit accès à nombre de documents classifiés. Un certain nombre de ces éléments, mais pas tous, se retrouvent aux États-Unis. Si certains de ces éléments ont été également repris dans divers pays européens, c'est indéniablement en Grande-Bretagne qu'ils ont été institutionnalisés de la façon la plus aboutie. On peut, dans le cas britannique, presque parler pour cela de forme post-majoritaire de démocratie, dans la mesure où elle lie de façon organisée souveraineté positive et souveraineté critique. Même si cette démocratie post-majoritaire ne fonctionne sur ce mode que dans le seul cadre parlementaire. Dans l'histoire politique des deux derniers siècles, les régimes sociodémocrates ont été les seuls à avoir pleinement intégré dans leur architecture politique d'ensemble l'équivalent d'une fonction générale d'empêchement. Les régimes sociodémocrates ou en effet structurellement articulé des compromis sociaux de classe, ce qui supposait la prise en compte de leur existence conflictuelle, avec une forme d'institutionnalisation du rôle de l'opposition. D'où le pouvoir de veto implicite qui en résultait au profit de l'opposition sur les politiques à laquelle elle pouvait être particulièrement hostile. Ces régimes sociodémocrates ont reconnu de la sorte, en l'organisant, la distinction de fait entre légitimité sociale et légitimité politique. De même que la distinction entre pouvoir organiser l'opposition et pouvoir légitime de gouverner. Les institutions de la démocratie libérale, pour dire les choses autrement, ont été, dans ces régimes, clairement greffées sur une reconnaissance du fait incontournable de la lutte des classes. Troisième modalité de cette souveraineté critique, après le pouvoir d'opposition, après les autres formes que nous avons analysées, nous venons maintenant aux figures plus individuelles et morales du rebelle, du résistant et du dissident. L'expression d'une souveraineté critique, en effet, ne s'est pas simplement déclinée sous la forme d'institutions et de politiques. Elle s'est également manifestée sous la forme d'attitudes individuelles, de manifestations de refus. À côté des politiques de résistance, dont nous avons cherché à décrire certaines formes, il y a ainsi une morale, voire même une métaphysique de l'opposition. Albert Camus en a offert sa vision dans L'homme révolté. L'homme révolté, c'est pour l'auteur de La Peste, je le cite, un homme qui dit non. Mais un nom d'intervention et pas un nom de renoncement. Un nom qui consiste à faire volte-face, à s'affirmer dans la rupture. Cet homme qui dit non, il exprime une exigence, il se dresse contre l'injustice du monde, c'est un homme debout qui prend la parole et qui marque avec éclat sa distance avec le désordre établi. Camus en a donné une lecture philosophique en distinguant les figures du révolutionnaire, de l'artiste et du poète. Le révolutionnaire, l'artiste et le poète étant pour lui les trois modalités de la révolte dans le monde. En m'inscrivant dans cette perspective, je voudrais préciser sa vision en proposant une typologie proprement politique des figures du refus. Et je distingue pour cela trois figures du refus, le rebelle, le résistant et le dissident. Figure de la négation. Différents personnages peuvent être évoqués pour illustrer le rebelle. J'en évoquerai rapidement quatre. Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, il y en a une qui domine incontestablement et qui a donné, peut-on dire, le ton dans tout le continent, c'est John Wilkes. Dans l'Amérique du XIXe, c'est Thoreau et Emerson. Et dans la France du XIXe siècle également, c'est probablement Blanqui qui va symboliser cette figure du rebelle. Wilkes, tout d'abord. Il était célèbre dans toute l'Europe des Lumières, où il a symbolisé le combat de la liberté. Élu à la Chambre des communes en 1757, il ne cessera de dénoncer dans son journal, le North Britain, les dérives autocratiques du gouvernement du roi George III. Il sera poursuivi pour diffamation, exclu du Parlement, emprisonné, exilé. Mais il fut immensément populaire. La foule se pressant à Londres, aux portes de sa prison, et les salons lui faisant fête dans les capitales du continent quand il s'y réfugia. À deux reprises, il fut ensuite réélu triomphalement, avant d'être à chaque fois invalidé. Et son nom a ainsi été identifié au XVIIIe siècle au combat du droit et de la démocratie contre un pouvoir répressif. Avec Wilkes, le rebelle est bien sûr celui qui ne baisse jamais les bras. Mais celui qui ne baisse jamais les bras pour les libertés, mais en même temps qui s'impose dans le jeu des institutions politiques pour en faire respecter et progresser les règles. Wilkes est à la fois le grand rebelle et le grand champion de la cause parlementaire. Tout autre est la rébellion dans l'Amérique du milieu du XIXe siècle de David Thoreau. Sa radicalité procède quant à elle d'une prise de distance. Il devient célèbre en refusant en 1845 de payer une taxe destinée à financer la guerre des États-Unis contre le Mexique. Le propre de Thoreau, c'est qu'il ne s'attaque pas simplement aux errements du pouvoir. Il va plus profondément symboliser la résistance déterminée à l'injustice des lois elles-mêmes. Le reclus de Walden n'est cependant pas le militant d'une action collective. La préoccupation première de Thoreau n'est pas d'intervenir efficacement dans la vie de la cité. On ne peut imaginer sous sa plume magnifier les termes même de souveraineté du peuple, de suffrage universel et même de démocratie. Il est celui qui défend avant tout le principe de la rébellion individuelle. Le citoyen est pour l'homme et pour lui, l'homme debout, farouche défenseur de son autonomie, celui qui est même prêt à faire sécession. Le citoyen n'est pas chez lui le participant d'un peuple, n'est pas le membre d'une classe. D'où la centralité pour lui de la notion de désobéissance civile. C'est le titre d'un de ses essais les plus fameux qu'il introduit avec fracas dans le vocabulaire politique en 1849. Hannah Arendt, on le sait, sera fascinée par le personnage et par l'écrit. Et elle a bien montré qu'il était impossible de déduire une politique de cette notion de désobéissance civile et qu'on ne pouvait la fonder juridiquement. Mais le but de Thoreau n'est pas de cette nature. C'est d'abord un sursaut moral qu'il veut exprimer à travers une action héroïque et singulière dont la justification ultime réside dans le discrédit porté aux institutions politiques. Sceptique sur l'efficacité du vote, il proposait comme règle de conduite à ses concitoyens, je le cite, que votre vie soit d'abord un contre-frottement pour stopper la machine. Et il ajoutait, même voter pour ce qui est juste, ce n'est rien faire pour la justice, cela revient à exprimer mollement que votre désir l'emporte. Ce sceptique vis-à-vis des pouvoirs considère en effet que ceux-ci sont nécessairement tyranniques et dangereux. C'est donc un rebelle qui est aussi un renonçant. Nulle politique positive ne saurait en effet être défendue à ses yeux. Tant est béant, l'écart entre les valeurs éternelles de justice et de vérité qu'il convient de défendre et ce que peuvent réaliser de modestes institutions terrestres. Il n'y a donc pour Thoreau nulle autre révolution imaginée que celle de la conversion morale des individus et de l'avènement d'un gouvernement minimal. Je ne peux ici évoquer Thoreau sans dire aussi un mot d'Emerson, son voisin de Concord dans le Massachusetts. Les deux sont aussi liés parce qu'il n'y a pas d'écolier américain qui n'ait pas lu Walden ou l'essai sur la désobéissance civile de Thoreau et qui n'ait pas lu Self-Reliance de Emerson. Emerson, qui fut d'ailleurs également le compagnon de Thoreau dans son combat contre l'esclavagisme. Emerson défend lui aussi l'idéal d'un homme indépendant, d'un homme radicalement fidèle à sa singularité, imperméable aux conventions sociales, qui n'a foi que dans sa vérité intérieure. Emerson est également tenté par une même sagesse de l'éloignement intérieur, et il invite simultanément ses contemporains à se déprendre de l'envie d'imiter autrui et à se défier même des voyages qui donnent l'illusion de découvrir le monde. C'est vers soi qu'il faut se retourner pour trouver la vérité. Mais Emerson est peut-être plus suggestif que Thoreau dans la formulation de son rejet des pouvoirs. S'il souligne dans des termes proches, je le cite, qu'avoir foi dans les gouvernements est un manque de confiance en soi-même, il dessine cependant plus précisément la voie d'une véritable politique et pas simplement d'une éthique. Une politique qui serait accordée à l'expression de son scepticisme. Celui qui veut être un homme, dit-il en une formule célèbre, doit être un non-conformiste. L'indépendance d'esprit qu'il appelle de ses vœux est aussi un appel à la formulation d'une résistance que je qualifierais d'impliquée, qui fait de l'interpellation permanente des pouvoirs, le ressort d'une activité démocratique constructive, d'une conversation civique qui soit nourrie et qui conduise ainsi chacun à trouver à la fois sa place mais aussi sa voix dans le monde. la tradition du dissent, du dissentiment, qu'annonce et que fonde Emerson, exprime le refus de celui qui manifeste que ce n'est pas en son nom que des décisions publiques sont prises. Il emploie la première fois cette fameuse formule « not in my name » que les Américains reprennent si volontiers lorsqu'ils veulent manifester leur désaccord avec le gouvernement. Mais ce refus est aussi une invitation à construire une démocratie plus exigeante, plus vivante, plus délibérante. À distance de Wilkes, de Thoreau et d'Emerson, le français Blanqui a incarné une rébellion qui vise à conjuguer le rejet du monde existant et l'entreprise de le transformer de fond en comble. Il a été de cette façon le premier grand théoricien de la révolution permanente, et sa vie même a témoigné de sa détermination. Il était viscéralement hostile à tous les compromis, adversaire irréductible de la politique parlementaire, et les 34 années de sa vie qu'il a passées derrière les barreaux sous presque tous les régimes du XIXe siècle suffisent à dire sa détermination. Celui qu'on a appelé pour cela l'enfermé n'a cessé d'imaginer les coups de force ou de rêver un grand embrasement du monde, seul susceptible à ses yeux de pouvoir le transfigurer. L'action révolutionnaire permet seule, en effet pour lui, d'affranchir la société de ses tristes pesanteurs. Elle condense l'espace et le temps de telle sorte qu'elle peut parfaitement faire se superposer la réalité et son concept. L'insurrection, elle n'est donc pas, pour Blanqui, seulement un moyen, une forme d'action parmi d'autres. Elle constitue, en elle-même, selon son extraordinaire formule, un acte foudroyant de souveraineté. L'insurrection est donc la forme de souveraineté critique par excellence, la plus radicale, mais en même temps la plus efficace, puisqu'elle donne accès à un nouveau monde, en même temps qu'elle détruit l'ancien. L'insurrection incarne pour cela, à la manière d'un diamant noir, l'idée démocratique débarrassée de ses contingences menaçantes, solution enfin trouvée dans l'action aux apories premières de la souveraineté du peuple. Dans l'insurrection prend ainsi forme une sorte de démocratie utopique, affranchie de toute disposition institutionnelle précise. C'est d'ailleurs également la raison qui permet de considérer pour Blanqui que l'insurrection est un art. C'est une formule que lui reprendra Marx. Elle est en effet l'insurrection forme pleinement efficace, organisation directement lisible, signifiant parfaitement superposé au signifié. Dans la rébellion de Blanqui se lie une forme politique, un mouvement social, voire une pure énergétique et une posture morale. C'est pourquoi Blanqui n'a cessé de fasciner ceux-là même qui ne partageaient pas ses vues. Il est en effet aussi largement resté associé à l'image romantique de l'homme debout sur la barricade. Cet homme qui mêle la radicalité de son geste de défi à la constitution d'une communauté aussi chaleureuse qu'éphémère de combattants. C'est Eugène Potier, l'auteur de l'International, grand ami et admirateur de Blanqui, qui dira « L'insurgé, son vrai nom, c'est l'homme, on peut le voir aux barricades descendre avec les camarades ». C'était résumé la vision de Blanqui. Ces trois formes de rébellion décline différentes expressions historiques de la souveraineté critique comme attitude politique. La résistance, elle, est d'un autre ordre. Elle renvoie à une action dans le contexte beaucoup plus contraint d'une occupation étrangère ou d'une impossibilité d'intervenir de façon critique dans le cadre des institutions existantes. Si le mot est ancien, on a rappelé précédemment l'histoire de la notion médiévale de résistance, mais le mot « dissidence » en renvoie aussi à l'histoire religieuse des hérésies. Le dissident, c'est celui qui refuse l'orthodoxie. Il n'a pris son sens contemporain et emblématique qu'en 1940, dans la bouche du général de Gaulle. Le résistant, né à cette époque, est celui qui lie la détermination morale à refuser le pouvoir établi à la perspective de l'avènement d'un nouvel ordre. Le résistant n'est donc pas seulement un homme sur la défensive qui cherche à faire frein. Il est celui qui conjure une atmosphère de découragement et d'abandon par le maintien d'une espérance active. Celui qui refuse de croire à la fatalité et entretient dans la nuit la flamme de l'avenir. L'action de résistance qui implique en cette origine des entreprises clandestines est adossée à un refus. Mais c'est un refus actif, un refus méthodique, organisé, articulé sur une mobilisation. Le résistant est aussi de cette façon celui qui redonne force et consistance au principe de volonté politique. De Gaulle a incarné avec éclat cette dimension, son appel du 18 juin, qui, pour reprendre une expression de Saint John Perse, est marqué par la syntaxe de l'éclair, a bien synthétisé cet esprit, celui d'une volonté qui s'oppose à la fatalité. L'idée de résistance s'est certes également exprimée, récemment, sur des modes plus diffus et plus confus parfois, pour traduire plus largement une distance, un désaccord, un refus. Mais l'idée d'un impératif moral, d'une légitimité première, d'une décision souveraine, est restée forte dans sa définition. Le dissident, troisième figure morale de cette souveraineté critique, exprime encore sur un autre mode cette souveraineté critique. Si le mot, là encore, est ancien, il a dorénavant un sens politique différent. Le dissident, c'est celui qui témoigne des failles de l'entreprise totalitaire. Le dissident, il ne pouvait prétendre résister et inverser le cours des choses dans des régimes policiers qui régentaient les corps et les esprits. Mais le dissident était le signe, le grain de sable, dont la seule existence témoignait de l'échec du pouvoir à imposer à tous son mensonge. Comme l'a bien montré Claude Lefort, le dissident dans l'Union soviétique, c'était celui qui refusait obstinément de croire, celui qui se dérobait aux consignes, qui déchirait le voile des conventions, qui invitait à passer de l'autre côté du miroir. Le dissident, selon la forte formule de Soljenitsyn, c'était l'homme en trop, celui dont la présence disqualifiait silencieusement le pouvoir, celui qui introduisait un coin dans le grand agencement de l'idéologie. Qu'il ait été le témoin des œuvres cachées du régime, c'est la figure de Soljenitsyn, la voix devenue discordante de l'appareil, c'est la figure de Sakharov, le romancier ou le dramaturge ironique du système, ce sont bien sûr là les figures et les plumes, surtout de Havel ou de Zinoviev, auxquelles on pense, voire celle de Kundera. Le dissident a été dans tous ces cas celui qui introduisait le doute. D'où le danger qu'il représentait. Même si le dissident ne faisait pas masse, et même s'il ne constituait pas une menace immédiatement tangible, il ne pouvait être pour cela que le héros d'une antipolitique. Le terme antipolitique, qui appartient à un vocabulaire très ancien d'ailleurs de la Renaissance, a été réacclimaté dans le langage politique moderne par les dissidents. L'expression antipolitics a été notamment, a donné son titre notamment à un livre important de Georgi Conrad. Ce dissident, héros d'une antipolitique, il exprime une force morale à côté du système. Il appelle d'une certaine façon la société civile à se désintoxiquer et à se penser dans sa consistance propre. La reconnaissance du fait de la division sociale, l'existence d'une opposition structurée et la vigueur d'une certaine culture morale de la critique des pouvoirs ont sous-tendu pendant 2 siècles la vie des démocraties, les contraignant en permanence à se remettre en cause et à questionner leurs fondements et le type de société qu'elles produisaient. Les conflits, les manifestations d'empêchement et même les formes de séparatisme qui les ont traversées ont pris à leur façon, très au sérieux, des idéaux démocratiques et républicains. Ils ont en effet cherché à les faire vivre et à leur donner un sens pratique, à donner un sens à l'idée que la démocratie est le régime qui ne peut s'établir qu'à travers une interrogation permanente sur lui-même. Régime qui ne saurait jamais se considérer comme définitivement donné et accompli, qui jamais n'est épuisé par les institutions qui l'ont fait naître et qui le fondent, qui toujours reste marqué par une forme d'indétermination. La souveraineté critique a fait, dans cette perspective, système avec les mécanismes électoraux représentatifs. Elle a fait système en donnant un cadre adéquat à l'expérience démocratique. L'expérience démocratique, pendant deux siècles, c'était cela. C'était l'histoire de la tension, l'histoire de l'articulation entre une souveraineté critique et les mécanismes électoraux représentatifs. Elle a aussi, cette souveraineté critique, contribué à donner sens à la démocratie aux yeux de tous. Même radicale, la critique n'a pas été dans ce cadre le vecteur d'un désenchantement. Le scepticisme ne s'est pas retourné en cynisme pour les mêmes raisons. L'une et l'autre contribuaient en effet à rendre le monde plus intelligible et permettaient donc d'en penser le changement. Les différentes composantes de cette fonction critique se sont érodées de concert à la fin du XXe siècle, précipitant l'entrée dans un nouvel âge du politique. Les termes du conflit de classe ont d'abord été brouillés par la troisième révolution industrielle et par le bouleversement des identités collectives concomitants, donnant du même coup au monde du travail un sentiment de dépossession de son ancienne puissance d'empêchement. Si lutte des classes il y a toujours aujourd'hui, c'est en effet désormais sur un mode diffracté et subi sans qu'émerge aucun sens global. Cette évolution du travail s'est superposée à la crise de la représentation sociale et politique pour donner soudain le sentiment qu'un grand vide s'était creusé, que les sociétés étaient devenues moins lisibles et que l'impuissance avait gagné. Les deux souverainetés, sociale critique et politique positive, se sont du même coup affaissées de concert. Le déclin du syndicalisme, voisinant là avec le désenchantement démocratique pour en redoubler les effets. Dans l'ordre proprement politique, le rôle structurant de la position a quant à lui été largement miné et entamé par le déclin du rôle des partis, déclin dont témoignent leurs difficultés croissantes à exprimer et à canaliser des demandes sociales plus éclatées. Les partis politiques restent bien sûr partout en compétition pour l'exercice du pouvoir, porteurs d'un certain nombre d'attentes sociales, mais ils organisent beaucoup moins les visions de l'avenir. Ils ne forment surtout plus véritablement système avec les attentes de l'opinion. Celles-ci, en effet, se manifestent de plus en plus avec leur logique propre, éclatée, absente de toute préoccupation constructive. L'opinion aujourd'hui, tous les travaux qui sont faites par les instituts le montrent, est moins le reflet de force qui aspire à gouverner que l'expression de contestation nue. C'était Éloge du savoir, aujourd'hui le Collège de France avec Pierre Rosanvallon. Réalisation Thomas Duterre, présentation Christine Goémé. France Culture présente Face de cuillère, une pièce de Lee Hall, traduite par Fabrice Melchiou et mise en scène par Michel Didine, du 26 avril au 20 mai au Théâtre des Abbesses à Paris. Incarnée par Romane Bourringer, Face de cuillère se raconte. L'histoire d'une jeune fille au physique disgracié que la maladie ne fera pas vieillir. Face de cuillère, une création du Théâtre des Abbesses, du 26 avril au 20 mai avec France Culture. Créées en 1835, les conférences de carême de Notre-Dame de Paris s'ouvrent depuis l'an dernier à d'autres expressions d'humanisme. Tournées vers une réflexion sur l'homme, les conférences ont réuni cette année des personnalités chrétiennes et non chrétiennes. Leurs interventions à deux voix sont chacune un parcours progressif vers la vérité. 6 thèmes de réflexion ont été abordés lors de ces conférences: être différent, devenir, souffrir, mourir, espérer, vivre. Retrouvez l'intégralité des conférences de Carême 2006 dans l'ouvrage « Voici l'homme » présenté par Mgr André 23, archevêque de Paris. « Voici l'homme », conférence Notre-Dame de Paris, une coédition France Culture. Un avoinu tout particulier cette semaine, une série d'entretiens qui donnent à entendre un long fragment d'une conversation ininterrompue depuis plus de 15 ans, la réunion sous le signe de l'amitié de deux personnalités, Marine Karmitz, réalisateur, producteur, passeur de films, et le plasticien Christian Boltanski. Sur France Culture, toute cette semaine, le dialogue inédit de Marine Karmitz et Christian Boltanski, dont Avoinu, chaque soir à 17h. Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture. Bonjour, votre matinée sur France Culture. 9h05, la nouvelle fabrique de l'histoire, à l'occasion des 60 ans du vote de la loi dite Marthe Richard, revient sur la prostitution et sur Joël Le Tac, qui déposa en décembre 1978 une proposition de loi relative à la réouverture des maisons closes à partir de l'exemple des Eros Centers allemands. 10h, c'est le temps des humanités. Jusqu'à la lune et retour, invite Vincent Vergonne à propos de sa nouvelle création, Au hasard des oiseaux, représentation du 10 au 21 mai au Théâtre Dunois à Paris dans le 13e, et Olivier Py qui a adapté et mis en scène La jeune fille, le diable et le moulin et L'eau de la vie, deux contes des frères Grimm à voir au Théâtre du Rond-Point à Paris, spectacle tout public dès 7 ans. Émission suivie à 10h30 par Histoire d'écoute, Combat de Caril Ferré. 11h, fiction au feuilleton, Les Mayas, roman d'une famille portugaise de Essa de Queiroz, 3e épisode. Enfin, à 11h30, les chemins de la connaissance poursuivent leur analyse des 5 psychanalystes de Freud, nés il y a 150 ans et qui sont des cas célèbres, Dora, le petit Hans, l'homme au rat, l'homme au loup et le président Schreber. 3e cas, l'homme au rat et sa dette infinie, un cas de névrose obsessionnelle avec Philippe Lassagna, psychanalyste. Mais tout de suite, les matins de France Culture se lèvent avec Nicolas Demorand. Bonjour à tous et bienvenue sur France Culture, le programme de cette matinale du mercredi 3 mai 2006, avec à 7h20 les enjeux internationaux. Le concept d'Europe centrale ou d'Europe médiane est-il renouvelé depuis les bouleversements internationaux? 7h40, invité de France Culture ce matin, la socialiste Martine Aubry. Nombreux sujets au programme de l'entretien, mais d'abord et avant tout l'immigration. Martine Aubry publie un livre sur le sujet qui tombe pile au moment où la loi Sarkozy sur l'immigration est débattue à l'Assemblée. Pour résumer cette loi d'une formule, on dira qu'elle entend instaurer l'immigration choisie plutôt que l'immigration subie. C'est comme ça en tout cas qu'elle a été présentée dans le grand jeu de communication politique qui est toujours une loi sur cette question de l'immigration. Voilà pour la lettre. En ce qui concerne l'esprit ou le contexte, il y a cette petite phrase qui a déchaîné les commentaires, phrase du même Nicolas Sarkozy sur la France qu'on aime ou qu'on quitte. On ne sait d'ailleurs pas trop qui était exactement visé par ces propos, mais ils ont entraîné une querelle de paternité, Le Pen et De Villiers accusant Nicolas Sarkozy de plagiat. Les thèses que défend Martine Aubry, on s'en doute, ne vont pas dans le même sens, mais on lui demandera tout à l'heure de réagir aux propos que tenait ici même le spécialiste de l'immigration Patrick Veil. Il était notre invité il y a quelques mois dans l'émission et il disait que les politiques de gauche et de droite ces dernières années, peut-être même ces dernières décennies, étaient d'une remarquable continuité sur le dossier de l'immigration, ce qui rend les choses un peu plus complexes que le laisse penser la rhétorique de campagne électorale dans laquelle on est d'ores et déjà à plus d'un an de la présidentielle. Immigration, comprendre, construire, point d'exclamation, est le titre du livre de Martine Aubry. On la retrouve vers 7h40. Et à 7h tapante, la première édition du journal de Jean-Louis Crimon. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. La contre-attaque de Dominique de Villepin dans l'affaire Clearstream. Le Premier ministre a orchestré tout au long de la journée d'hier sa contre-offensive, notamment à l'Assemblée, se posant en victime d'une campagne de calomnie et de mensonges ignobles et excluant catégoriquement de démissionner. Dans ce journal, reportage à l'Assemblée de Mathieu Laurent, après la réunion du bureau parlementaire de l'UMP. Les critiques de SOS Racisme sur le rapport remis hier au président de la République par la HALD, la haute autorité chargée de lutter contre les discriminations. Samuel Thomas, le vice-président de SOS Racisme, souhaite voir la HALD accompagner davantage les plaignants devant les tribunaux. C'est ce qu'il a dit à Olivier Denré. Au Tchad, près de 6 millions d'électeurs conviés aux urnes aujourd'hui pour un scrutin présidentiel que le chef de l'État sortant, Idriss Déby Itno, devrait remporter sans surprise, faute de candidats de l'opposition. Une opposition qui a d'ailleurs appelé les Tchadiens à ne pas aller voter. Correspondance, Sanjamena, Stéphanie Braqueué. Enfin, à l'occasion de la 16e journée internationale de la presse, Reporters sans frontières nous rappelle qu'au moins 63 journalistes ont été tués dans le monde l'an dernier et que 120 journalistes et 56 cyber-dissidents sont actuellement emprisonnés. À la fin de ce journal, portrait du journaliste cubain Ricardo González, condamné à 20 ans de réclusion par le régime de Fidel Castro. Mais tout d'abord, 3 mai 1936, 3 mai 2006, il y a tout juste 70 ans, le Front Populaire sortait victorieux de législatives historiques et la victoire des partis de gauche, communistes, socialistes et radicaux, allait porter, vous le savez, Léon Blum à la présidence du Conseil. La victoire des forces de gauche suscite alors l'espoir surtout d'en finir avec la crise économique et le patronat de droit divin. Les ouvriers impatients d'obtenir très vite des résultats concrets lancent un immense mouvement de grève et d'occupation d'usines. Un mouvement qui débouchera sur les accords Matignon en juin, suivi d'autres mesures législatives, la semaine de 40 heures, 2 semaines de congés payés, des augmentations de salaire, le droit de grève et le droit syndical, sans oublier une loi sur les allocations chômage, la scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans et une politique de nationalisation, armement, aéronautique et création de la SNCF. Recueilli par Sarah Guibaudeau, le témoignage de Joseph Ress, aujourd'hui âgé de 95 ans. Il était à l'époque ouvrier dans la confection à Paris. Joseph Ress. J'étais ouvrier à domicile. Je prenais les paquets de tissus coupés et il fallait les assembler. Parce que nous étions payés à la pièce. J'ai travaillé pour une entreprise qui était située dans le 2e arrondissement. Nous avons fait un piquet de grève. On était à la porte de l'entreprise, du matin au soir, et du matin de bonne heure jusqu'au soir tard, et ravitaillé par les femmes. L'ensemble de la population avait assez d'une situation, ce qu'on appelle précaire aujourd'hui. Il y avait une ambiance extraordinaire. Une première grève aussi importante, les entreprises alentour, autour de la rue d'Aboukir, rue de Cléry, où étaient les marchands de tissus, étaient dans la même situation. Nous avons réussi à obtenir, je ne me souviens pas exactement, mais je crois que l'amélioration a porté autour de 15%. Les employés des Monoprix, par exemple, ont obtenu 30 et quelques pourcents. L'entreprise n'a pas disparu pour ça. Et puis, le gain des congés payés, la carte de transport avec réduction. Et alors, avec ma femme, nous sommes allés sur la Côte d'Azur. C'était extraordinaire. Joseph Ress, ouvrier dans la confection à Paris en 1936, aujourd'hui âgé de 95 ans, témoignage recueilli par Sarah Guibaudeau. Et puis, pour tout savoir sur l'histoire ou l'actualité du Front Populaire, bien sûr, franceculture.com, où la rédaction multimédia a réalisé et mis en ligne un superbe dossier. La contre-attaque de Dominique de Villepin dans l'affaire Clearstream, le Premier ministre exclut toute idée de démission. Il dénonce une campagne de rumeurs et de calomnies. Tout au long de la journée d'hier, Dominique de Villepin a multiplié les interventions pour exposer ses arguments, d'abord sur Europe 1, ensuite devant le bureau parlementaire de l'UMP et enfin à l'Assemblée nationale. La journée s'est achevée sur la réunion de l'ensemble des membres du gouvernement pour tracer le cap des prochaines semaines et sur la réception des parlementaires UMP Place Beauvau, réception placée sous le signe de l'unité de la majorité. Retour sur la réunion à l'Assemblée nationale du bureau parlementaire de l'UMP, reportage Mathieu Laurent. Lequel des deux est le plus à plaindre ? À l'UMP, il n'y aurait de la place que pour une victime dans l'affaire Clearstream.